naître avec le printemps, mourir avec les roses, sur l'aile du zéphyr, nager dans un ciel pur, balancer sur le sein des fleurs à peine éclose, s'enivrer de parfums, de lumière et d'azur, balancer sur le sein des fleurs à peine éclose, s'enivrer de parfums, de lumière et d'azur. Secouant jeune encore la poudre de ses ailes, s'envoler comme un souffle aux voûtes éternelles. Voilà du papillon, le destin enchanté, il ressemble au désir qui jamais ne se pose. Voilà du papillon, le destin enchanté, il ressemble au désir qui jamais ne se pose. Avec le printemps, mourir avec les roses, sur l'aile du zéphyr, nager dans un ciel pur, et sans se satisfaire, effleurant toute chose, retourne enfin au ciel, chercher la volupté, et sans se satisfaire, explorant toute chose, retourne enfin au ciel, chercher la voie.